Chapitre 34e, par le clair de lune. Quand les cours furent terminés, le major Varney et les officiers étaient devenus très amis. Ils étaient devenus tellement amis, sous l'influence du champagne, du vin de Rhin et du Bourgogne, que lorsque la dernière course fut terminée, quand le vainqueur eut été cédé à quelques hardis spéculateurs dont les surenchères provenaient du voisinage du coude de l'encanteur, et qui ne se présentaient pas pour ratifier son marché, quand les cabarets sous tentes commencèrent à allumer de petites lampes pour la commodité de ceux qui voulaient clore par la danse les plaisirs de la journée, quand les gros fermiers du Sussex se furent fait peser ainsi que toute leur famille à la balance même du Jockey Club, à raison d'un penny chacun, quand le terrain des courses se vida sous l'intervention de policemen ruraux, quand en un mot, la grande affaire du jour fut terminée, et que les flâneurs seulement, ceux qui n'ont jamais assez de plaisir, restaient encore, les officiers de Brighton refusaient de se séparer de leurs nouveaux camarades. « Nous avons commandé à dîner pour 8h30 au roi George, à Chilton. Pourquoi ne pas venir avec nous, major ? Nous pouvons vous emmener dans notre voiture et vous trouverez facilement un cabriolet pour entrer à Littlewood. »« Je serai enchanté, dit le major, mais mon ami, amenez Sir Rupert Lestal avec vous, dit un jeune capitaine, le chef du groupe, le meilleur et le plus généreux garçon du monde, bien que son père fût un tailleur du West End. « Amenez Sir Rupert avec vous. Il n'a pas l'air de savoir dire grand-chose, mais nous ferons de notre mieux pour l'amuser. » Le capitaine Hunter et le major s'approchèrent de la voiture du baronnet pour lui faire part de l'invitation. Sir Rupert était encore tout pâle de sa rencontre avec la bohémienne. La proposition du major fut un soulagement pour lui. « J'irai, » dit-il avec empressement. « Cela me distraira. Littlewood Park est si triste. On ferait aussi bien de vivre dans un cimetière. » Donc, un des grooms ramena la voiture contenant Olivia Little et ses sœurs à Littlewood, tandis que Sir Rupert et le major prenaient place dans le drag appartenant aux officiers. Le capitaine Hunter conduisait, et le major était assis à côté de lui sur le siège. « Il faut que nous rentrions ce soir à Brighton, » dit le capitaine, « car nous devons assister à la parade demain matin. C'est vexant, n'est-ce pas ?» Le major se mit à rire gaiement. « J'ai eu un service tellement rude au service de la Compagnie des Indes, » dit-il, que je ne saurais prouver beaucoup de compassion pour vos éblouissants dragons. « Oh, mais sur mon honneur, maintenant nous travaillons joliment. » Il faisait nuit quand ils arrivèrent à Chilton. Le salon principal du roi George était brillamment éclairé. Sur la longue table brillaient l'argenterie et les cristaux. Le maître d'hôtel, avec un énorme gilet blanc et tout habillé de noir, était prêt à apporter le potage et à recevoir ces messieurs. On fut très gai, un peu bruyant et débraillé, et parfois on criait très fort. Sir Rupert Lestal buvait le champagne verre sur verre et se joignait à la gaieté générale de temps à autre par un rire stupide et bruyant qui ajoutait beaucoup au tumulte de l'assemblée sans augmenter le moins du monde l'hilarité de personne. Une fois que le dessert fut servi, on fit une plaisante allusion au commerce auquel le capitaine devait sa belle fortune. La plaisanterie n'était peut-être pas très brillante, mais elle venait d'un vieux camarade, et comme elle était faite sans la moindre méchanceté, un homme même moins aimable que le capitaine Hunter l'eût pris en bonne part. Sir Rupert Lestal, encouragé par ce badinage, essaya de lancer quelques légers propos plaisants de son cru sur le même sujet. Mais il fut arrêté par un tel froncement de sourcils du major Varney qu'il s'arrêta au milieu de sa phrase et garda le silence pendant quelques moments. Mais à mesure que la nuit avançait, il redevint bruyant et finit par être si désagréable à la joyeuse petite réunion que le major Varney se leva en prenant le baronnet par le collet de son habit, le conduisit dans une pièce voisine et lui dit de se coucher et de dormir. « Vous n'êtes pas plus fait pour le monde que ceux qui vous ont élevé, » dit-il au jeune homme abruti. « Quoique vos caves soient remplies des meilleurs vins, vous êtes si niais que vous ne pouvez boire quelques bouteilles de champagne sans vous griser. Couchez-vous et cuvez votre vin. Couchez-vous. » Il n'arrive pas souvent à un gentleman dont le nom est inscrit sur le livre d'or et dont le domaine est le plus beau du comté qu'il habite, de s'entendre parler de cette manière. Mais Sir Rupert obéit aussi tranquillement que s'il eût été le valet et le major le maître. La bonne entente de la soirée fut certes considérablement augmentée par ce procédé du major. Les officiers se réunirent autour des fenêtres ouvertes de l'appartement et allumant leurs cigares, ils contemplèrent au clair de la lune la place du marché de Chilton. Les rues étaient désertes. Un unique policeman se promenait de l'autre côté de la rue, consacrant une oreille à la bruyante réunion du roi George et un œil aux diverses demi-couronnes qu'il allait en obtenir avant la fin de la nuit. Il était plus d'une heure quand la dernière bouteille de champagne envoya un des officiers sous la table, et les quatre chevaux bais piaffaient sur le pavé de la grande rue de Chilton devant la porte du roi George. « Nous aurons une belle promenade jusqu'à Brighton, » dit le capitaine Hunter. « Ne prendrons-nous pas la plaine pour rentrer avec fracas dans Lewes sur les 4 heures du matin ?» Le maître du roi George s'était procuré un petit dog-cart fort convenable, avec une jument bonne trotteuse, pour amener le major et Sir Leslewood. « Rendez-lui les rênes, » dit-il en amenant la voiture devant la porte. « Rendez-lui les rênes et laissez-les aller à son pas, sans seulement sortir le fouet de sa gaine, et elle vous mettra à Leslewood avant que vous sachiez seulement où vous êtes. » Il fallut secouer le baronnet et lui crier dans les oreilles avant de pouvoir le réveiller. Quand enfin il ouvrit les yeux, ce ne fut que pour demander en jurant où il était. Le major Barney ne crut pas le moment favorable pour lui donner les explications demandées. Mais prenant le baronnet par le collet de son habit, comme il l'avait fait précédemment, il lui fit descendre l'escalier et le déposa dans le dog-cart. Il y eut grand échange de poignées de main entre le major et les officiers de cavalerie, et un bruit considérable et des cris quand les jeunes gens montèrent sur les sièges de la voiture. Un jeune enseigne, sur lequel le vin avait agi un peu vigoureusement, occupait seul l'intérieur. Le policeman traversa la rue pour faire quelques observations sur ce bruit qui troublait la tranquillité de Chilton. Mais gagné par les demi-couronnes attendues, le digne fonctionnaire devint tout à coup tellement sourd qu'il ne dit rien du tout lorsqu'un des officiers embouche un cornet à piston et le drague s'éloigna au son du post-horn gallop que l'officier exécuta de toute la force de ses poumons. Le major Granville Barney était, ainsi que nos lecteurs ont pu s'en apercevoir, d'une nature extrêmement sociable, et quand il entendit le drague s'éloigner avec fracas dans la grande rue et les voix joyeuses des jeunes gens couvrant le bruit des roues, il éprouva une sorte d'ennui à la pensée de parcourir seul la route qui le séparait de Leslewood. « J'aurais pu aller à Brighton avec eux, et j'aurais couché au vaisseau, » pensa-t-il. « Mais alors qu'aurais-je fait de ce lourd ivrogne, de ce pauvre sot ?» Le major rassembla les rênes et les rendit à l'animal, et bientôt ils se trouvèrent sur la route de traverse qui conduisait à Leslewood. « C'est une route bien triste, même pendant le jour, » dit le major. « Continuellement des chemins de traverse et des carrefours. J'espère que la jument est sûre pour une pareille route. » Sir Rupert s'endormit, heurtant lourdement l'épaule du major à chaque oscillation de la voiture. « Je commence à me fatiguer de ceci, » se dit l'officier indien. « Il n'est pas agréable de passer sa vie à conduire et à dresser un animal aussi mal léché que celui-ci. J'ai une bourse assez ronde maintenant, suffisante pour me faire vivre dans le luxe jusqu'à la fin de mes jours, et j'ai quelque chose qui laisse cette brute en mon pouvoir. Je vais mettre mes affaires en ordre, et je quitterai l'Angleterre avec Mrs. Varney. Nous pourrons nous établir à Florence. » Et passer en paix le restant de nos jours. Nous commençons tous deux à vieillir, nous devenons paresseux, et nous prenons de l'embonpoint. Nous avons fait un peu de bien à notre façon, et un peu de mal à notre façon. Mais nous n'avons jamais commis un délit qui peut être condamné. Nous n'avons jamais donné à cette étrange incarnation, qu'on nomme la loi, le pouvoir de dire « Je tiens cet homme ». C'est une agréable chose, au terme d'une vie agitée, murmura le major avec une certaine onction, de pouvoir se dire cela. Le major n'était pas un buveur, il était en outre un de ces hommes auxquels leur nerf d'acier et leur constitution sans égale permettent de boire beaucoup sans en être le moins du monde affecté. Les quelques verres de vin qu'il avait bu au roi George n'avaient fait que donner plus de vigueur et plus d'action à son esprit. Il avançait en faisant des réflexions sérieuses mais qui n'étaient nullement désagréables. Si Granville Barney avait jamais eu une conscience, il avait étouffé ce déplaisant mentor à une époque si reculée qu'il n'avait plus aucun souvenir du temps où sa faible voix avait le pouvoir de l'ennuyer parfois de ses fatigantes remontrances. La beauté, ou plutôt la symétrie de ma vie, disait le major, a résulté principalement d'une chose, de mon étude consciencieuse de la loi. L'homme, à son entrée dans le monde, se trouve face à face avec un ennemi, la loi. S'il triche au jeu, la loi le tient. S'il fait des dettes, la loi le prend. S'il veut épouser une seconde femme, la première encore vivante, la loi lui dit non. S'il doit de l'argent à un homme et que cet homme par hasard meurt subitement, il faut que la loi sache tout ce qu'il en est. La vie est une bataille rangée entre l'homme et la loi, et ce n'est qu'en trouvant les endroits faibles de son ennemi qu'il a quelque chance de vaincre. Mais l'ennemi a ses endroits faibles. Oui, dit le major gaiement en secouant les rênes, la loi punit l'instrument et non pas l'ouvrier, qui s'est servi de l'instrument. Il faut à la loi une victime, et vous n'avez qu'à jeter dans l'arène d'Old Bailey un criminel aveugle et stupide. La loi se jette sur sa victime pendant que le maître scélérat regarde du milieu des spectateurs et rit du sacrifice. Avec des réflexions aussi agréables, le major Barney franchissait les chemins éclairés par la lune entre Chilton et Littlewood, pendant que son compagnon oscillait de droite et de gauche sur la petite voiture, tout en dormant d'un vrai sommeil d'ivrogne. Dans tout le comté de Sussex, il n'y a peut-être pas un bout de route plus laid qu'un certain mille sinistre entre Chilton et Littlewood. Une côte rapide avec des brusques décors, des ornières toutes défoncées, à peine assez larges pour les roues, bordées d'un côté par une bruyère maigre et de l'autre par un talus de gravier taillé brusquement au bord même de la route. Un conducteur moins expérimenté que le major Varney eût couru de grands risques à passer en voiture sur cette route difficile par un clair de lune capricieux. Mais l'officier indien était habitué aux routes difficiles, et il gravit tranquillement le pied léger, l'œil au guet, la côte rapide où trottait la grosse jument Alzane. Vers le sommet de la montée, il y avait un massif de buissons qui avait poussé là depuis qu'on avait tracé la route plusieurs années auparavant. Ces buissons se détachaient noirs et distincts sur le ciel éclairé par la lune, et derrière eux, le major crut voir la silhouette d'un homme. Il ne s'était pas trompé. En arrivant au haut de la côte, l'homme s'avança tranquillement et porta la main à la tête du cheval. « Pouvez-vous me donner une place ainsi qu'à mon camarade, maître ? » demanda-t-il. « Non, » dit le major, « je ne le puis. J'ai 10 000 à faire et je suis déjà assez chargé. Laissez la tête de la jument, voulez-vous ? » « Mais, maître, vous pourriez, je pense, parler un peu plus poliment. Il est heureux que je vous ai arrêté. Ne savez-vous pas que votre trait est brisé ? » ?»« Non, il l'est, cependant. Descendez voir. » L'homme avait parfaitement raison. Le major descendit. En examinant le trait à l'endroit indiqué par l'homme, il vit que le trait était usé à l'endroit où se trouvait la boucle et qu'il était séparé en deux. « Voilà qui est fâcheux, » dit le major. « Avez-vous un bout de corde sur vous ?»« Pas un pouce, » répondit l'homme. « Mais il y a une maison en bas de ce côté. Il se peut que vous trouviez là ce dont vous avez besoin. »« Bon, Sir Rupert, descendez. Voulez-vous ?» Mais le baronnet restait sourd à cet appel. Il avait glissé de dessus la banquette dans le fond de la voiture et il était accroupi sur le tapis de pied. « Attendez, » dit l'homme. « On ne vous connaît pas au cottage. Il se pourrait qu'on vous laisse frapper jusqu'au jour avant de répondre. » Mais on me connaît, et on fera tout ce que je demanderai. Je vais mener votre cheval jusqu'au bas de la côte, réveiller les gens, raccommoder le trait, et vous attendrez ici jusqu'à ce que je vous donne le signal. » En tout autre moment, le major aurait pu concevoir quelques soupçons quant au motif de la politesse de cet homme, mais il était fatigué et à moitié endormi, et il ne tenait pas essentiellement à conduire le cheval et la voiture jusqu'au bas de la côte. Il accepta donc, en bâillant, l'offre de l'homme, en lui disant de faire attention et qu'il aurait une demi-couronne pour sa peine. Resté seul sur la petite éminence, il se tint debout et le dos tourné au buisson, et ayant les bruyères argentées devant lui. Il regarda sa montre, car le clair de lune lui permettait de voir les aiguilles. Il était 3h20. « Nous n'avons pas perdu de temps, » se dit-il à lui-même, « pour venir de Chilton jusqu'ici. Nous sommes à Littlewood à 4h30. » Il tira de sa poche son étui à cigare et en alluma un. Il aspirait fortement la fumée, et l'étincelle rouge, tour à tour brillante et faible, apparaissait dans la nuit, quand tout à coup il entendit à côté de lui une respiration haletante et précipitée et se trouva face à face avec un homme aux épaules larges, à l'air lourd et maladroit et vêtu d'une blouse de paysan. « Qui êtes-vous et que voulez-vous ? » demanda le major entre ses dents, sans ôter son cigare de sa bouche. L'homme ne fit pas de réponse. L'apparition soudaine de cet homme dans un lieu si solitaire, à une heure aussi étrange, jointe au silence lugubre, eût ébranlé jusqu'au fin fond le cœur d'un lâche. Mais le courage indomptable du major ne faisait que s'accroître à l'heure du danger. « Qui êtes-vous » s'écria-t-il en jetant son cigare et mettant ses mains sur sa grosse chaîne de montre. « Qui êtes-vous » « Vous feriez bien de répondre, à moins que vous ne vouliez que je vous jette dans cette sablière. »« Prenez garde que ce soit moi qui vous y jette !» dit l'homme d'une voix enrouée et discordante, qui n'était pas inconnu au major. « Je n'ai pas envie de votre montre » s'écria-t-il d'un ton de mépris. « J'aurais pu vous la prendre il y a des années, mais aujourd'hui non, aujourd'hui non !» C'est vous qu'il me faut, corps et âme, votre corps gras et bien nourri, et votre âme noire et cruelle. Allons, c'est ma vie contre la vôtre. » L'homme passa sa main rude et musculeuse dans la cravate du major, mais le major avait eu le temps de le saisir par le collet de sa blouse. Se cramponnant l'un à l'autre, les deux hommes luttaient sur les trois sentiers, aussi haut tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, tantôt s'attirant sur le bord du précipice, tantôt s'en éloignant par un puissant effort. Pendant toute cette lutte, le major était calme et maître de lui-même et luttait avec la prudence d'un lutteur de profession, toujours sur ses gardes et prêt à profiter du moindre avantage. L'autre homme, au contraire, s'excitait par des cris de rage et vomissait des malédictions à l'adresse de son adversaire. C'était une véritable bête féroce qui n'était que plus horrible parce qu'elle était douée de la parole. « Je vous ai dit, » hurlait-il, « je vous ai dit de faire attention si jamais je revenais de l'endroit où vous m'avez envoyé. Je vous ai dit de prendre garde et je vous ai dit vrai. Eh bien, je suis revenu. Pour revenir, j'ai marché, j'ai souffert, j'ai eu faim. Je suis revenu pour terminer ma misérable vie. Je suis revenu pour vous tuer et je vous tuerai. » Ces paroles remplissaient l'atmosphère calme. On eût dit des cris perçants. Il n'y avait ni près de là, ni au loin sous le clair de lune, une seule créature pour entendre ces cris ou pour séparer les deux hommes. « Tout l'argent que vos crimes vous ont gagné ne suffirait pas à me payer !» s'écria l'adversaire du major. « Tous les bijoux que vous avez portés, étalés à mes pieds, ne vous épargneraient pas un seul coup. Je vous hais, et je suis venu ici pour vous tuer, comprenez-vous » Le major ne répondit rien encore. Ses mains blanches et fines serraient le collet de l'ample vêtement de l'homme, et ses yeux bleus brillaient d'un éclat sauvage. Il ne disait pas un mot, mais il luttait avec calme. Son silence exaspérait son adversaire. « Vous me connaissez, » s'écria-t-il, « vous me connaissez et vous savez quelle raison j'ai de vous haïr. Vous vous êtes servi de moi pour arriver à vos fins. Vous vous êtes servi de moi comme d'un instrument et vous m'avez ri au visage quand vous avez eu fini. Vous avez découvert un secret de mes jeunes années et vous l'avez tenu suspendu sur ma tête. Vous avez appris que j'avais tué un homme près de Seven Oaks, un homme à qui j'en voulais, que je haïssais, mais pas la centième partie de ce que je vouais. Entendez-vous ? J'entends. » dit tranquillement le major. La science et le sang-froid l'emportèrent. L'officier indien étendit Gilbert Arnold sur le chemin et mit son genou sur sa poitrine. Mais le braconnier était venu préparé à tout. Au moment où son ennemi se pencha sur lui, ses yeux bleus fixés sur son visage pourpre, une main délicate passée dans sa cravate, Gilbert Arnold réussit par un puissant effort à tirer de la poche de son pantalon, à l'aide de son bras libre, un mauvais pistolet rouillé. Avant que le major pût s'apercevoir de son mouvement, le braconnier avait pressé la détente et déchargé son arme en plein visage de son ennemi. L'officier roula sur son assassin comme une masse inerte et expira sans proférer une plainte. Gilbert Arnold se dégagea de dessous le cadavre et, fouillant résolument les poches du major, il prit sa montre, une quantité de pièces d'or et un portefeuille renfermant des banknotes. Le major avait été fort heureux dans ses paris au cours de Chilton. Puis, avec un cri de sauvage triomphe, le braconnier traîna sa victime au bord de la sablière, en laissant une longue trace de sang sur son passage, et il précipita le cadavre dans le précipice. Il roula lentement, arrêté parfois dans sa course par des broussailles, puis, se dégageant par sa propre pesanteur, il roula jusqu'à ce qu'enfin il tombe avec fracas dans une couche d'eau stagnante au fond du ravin. Le bohémien Abraham était loin sur la route pendant ce temps-là. Il avait conduit le dog-cart au bas de la côte, puis, fouettant la jument avec violence, il la lança au galop. L'animal s'emporta, entraînant la voiture dans sa course furieuse. « Cette nuit verra sans doute s'éteindre, sœur Rupert Lessel, » dit-il, en écoutant le bruit lointain des roues. « C'est une pauvre vengeance pour l'assassin de la fillette, mais c'est quelque chose cependant. »